everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. De sommeil, veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure, mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind. Je capte pas, les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Je capte pas, les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. C'est pas sûr que ça va aller jusqu'à 20h. Hein. Je vous explique vite le bazar. Il y a Sandro d'habitude qui appuie sur les boutons de l'émission. Vous savez, c'est une grande console. Un peu comme si vous deviez faire décoller un avion. Hein. C'est impressionnant dans les radios. Et bah, tout ça, Sandro, il le gère très bien. Ouais. Bah, sauf que là, c'est pas Sandro qui a les mains sur les boutons, c'est Kéké du standard. Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, Kéké? Qu'est-ce que... J'sais tu te sens pas, pousser des ailes ou quoi? Ouais, j'avais envie une fois essayer, je suis allé, pourquoi pas. Bon, les gars. Ça va pas le faire, je crois. C'est le kéké du standard qui a le contrôle de l'émission. Ça va. Pour le moment, on est toujours là. Hein. Si à un moment donné, vous nous entendez plus, c'est normal. Bon, on a Fab qui est là. Présent. Ça va, le Fab. Je touche pas au bouton, moi je reste loin. Oui, c'est parfait. Carlo aussi, des infos qui se préparent. Bonjour, Carlo. Hello. Et puis Alison aussi au standard. Salut. Elle attend vos petits messages. Hein. Et puis vous pouvez nous appeler sur le standard. C'est quoi le numéro, Sandro? Le 02 851 4x0. Mais qu'est-ce qui fait bien ça, quoi? Bon, j'espère que vous, de l'autre côté de la radio, ça se passe bien. Vous avez passé une bonne après-midi. Je suis excitée comme une puce, quoi. Ah bon? Ah non, mais bah vraiment, c'est un truc de malade. On va offrir dans quelques petites minutes un voyage direction Las Vegas. Oh, oui. Avec Desperados et Fun Radio, on vous envoie à Las Vegas pour aller vivre l'expérience Gravity Zero, un avion qui décolle, qui se crash, mais qui, rassurez-vous, va bien. Non, c'est pas qui se crash, mais en fait, c'est... Allez, vous avez déjà vu cet avion-là, ça fait un peu comme si vous étiez sur la Lune. Voilà, on a pesanteur, un peu, vous sautillez, il y aura un DJ dedans. Enfin, ça va être une expérience de malade si vous voulez vivre ça dans votre vie. Mais vraiment, une fois, allez-y, vous envoyez maintenant DSP par SMS au 6322. Je vous fais déjà la promesse, avant 18h, on envoie quelqu'un direction Las Vegas. Fun Radio. Fun. Ce mois-ci, chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1000 euros dans votre magasin Château d'Axe. Il y aura le son de Môme dans un instant avec Aloha, Ken Jones aussi, et puis le beau Martin Garrix. Tout ça, ça arrive après Carlo, des infos. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Audrey vous emmène à Las Vegas. Pour ma part, je vous emmène en Corée du Nord. C'est pas tout à fait pareil. Alors en général, quand on parle de ce pays, c'est soit en raison des menaces proférées par son dictateur Kim Jong-un à l'encontre du monde entier, ou alors en raison de tirs de missiles ou autres joyeusetés explosives. Et le fait, on vient d'apprendre que Pyongyang a procédé à ce qui est son 5e essai nucléaire, le plus puissant à ce jour. Ça, c'est le voisin du Sud qui nous l'apprend, vu qu'il a détecté un séisme de 5,3 sur l'échelle de Richter, tout près du site où les Nord-Coréens effectuent leurs tests. Le Japon a prévenu qu'il va riposter par une forte condamnation du régime communiste, ça doit lui faire très peur, j'imagine, et par un appel immédiat au Conseil de sécurité de l'ONU. Bref, la routine, quoi. Ça fait 10 ans maintenant que la Corée du Nord joue ainsi avec l'atome, attirant les foudres des Nations Unies, ce qui visiblement n'a pas beaucoup d'effet. Je rappelle enfin que plus tôt cette semaine, le régime avait lancé 3 missiles balistiques au large de sa côte orientale. Une nouvelle démonstration de force pendant la réunion du G20 en Chine. Cela dit, quand on parle d'explosion depuis un certain temps, on pense plutôt aux djihadistes malfaisants de Daesh qui nous réservent sans doute de nouvelles mauvaises surprises dans un proche avenir, à moins qu'ils ne se fassent tous choper avant de passer à l'acte, comme ces 3 femmes arrêtées hier soir près de Paris dans le cadre de l'enquête liée à la découverte le week-end dernier d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. D'après le ministre français de l'Intérieur, les 3 femmes en question préparaient sans doute de nouvelles actions violentes et imminentes. On sait que l'une d'entre elles avait prêté allégeance à l'État islamique. La France est clairement le pays le plus visé par les terroristes, avec près de 240 morts depuis janvier 2015. Le pays occidental, je précise. En Belgique, on a évidemment eu droit à de terribles attentats le 22 mars, mais ce qui fait de plus en plus de victimes dans notre pays, c'est le burn-out. 80 000 personnes par an, soit 2 fois plus qu'en 2007. Alors si les employeurs pouvaient mettre un petit peu moins la pression sur leur personnel, ce serait gentil de leur part et ça ferait plaisir à l'INAMI, à qui cette nouvelle tendance coûte cher. Hein, 600 millions par an d'indemnisation, ça représente quand même 10% du budget de l'assurance invalidité. Et si ça continue comme ça, le système pourrait carrément s'écrouler, comme de nombreux travailleurs confrontés à une surcharge de boulot, à un manque de reconnaissance, à des conditions de travail pénibles, à une rentabilité à outrance. Les causes de burn-out sont multiples, mais on s'est rendu compte que la majorité des victimes étaient des gens qui s'investissaient à mort dans leur travail, passionnés et perfectionnistes. Ça veut dire donc que les entreprises perdent régulièrement leurs meilleurs éléments, vu que 3/4 des gens qui reprennent le travail après un burn-out changent de poste ou d'employeur. Fun Radio. Les doubles bons double points du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Les doubles bons double points, vous voulez mon avis? Oh, moi j'adore, franchement j'adore. Et c'est le jour J, les copains, aujourd'hui sur Fun Radio. Si vous avez toujours rêvé d'aller à Las Vegas, eh ben, on vous en donne la possibilité aujourd'hui sur Fun Radio grâce à Desperados. Allez-y, vous vous inscrivez, vous envoyez Despé maintenant par SMS au 6322. On va sélectionner 4 présélectionnés dans quelques petites minutes et on va vous lancer un petit défi. Alors si ça vous dit, allez-y, on attend votre message, on se fait ça juste après la météo. Ouais, je pense qu'à mon avis, la prochaine Las Vegas, il fera presque aussi chaud quand même. C'est vrai, à ce moment-là. Ouais, on parle de 30 degrés chez nous lundi, mardi, mercredi. Ce week-end, il fera pas aussi chaud, tant mieux. Demain, encore une belle journée, un petit peu comme aujourd'hui, donc pour sortir, ce sera vraiment super. Dimanche, plus de nuages, quelques petites ondées possibles également. Prochain rendez-vous info dans 1 heure, je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Môme. Salut. En septembre, chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard he's grooved. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up in. I know. L'écoute de Fun Radio, merci d'être là. On est en direct, 17h08. On vous accompagne jusqu'à 20h sur Fun Radio avec le son de Ken Jones. Il y aura aussi du Martin Garrix dans quelques petites minutes. Mais d'abord, oh là là, un truc de malade, on vous envoie à Las Vegas. Grâce à Desperados, vous allez pouvoir vivre une expérience de malade. Vous vous êtes inscrit, vous avez envoyé Despé par SMS au 6322. On vient de présélectionner 4 auditeurs qui vont peut-être partir à Las Vegas. Alors, on a d'un côté Jean-François qui vient de Vieilleville. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour. Ça va bien Jean-François? Ça va, et vous? Bah ça va, t'es pas trop stressé? Non, ça va. Ça va, le gars chill. Quoi. Tranquille, tranquille. Pas de pression, il va aller à Las Vegas, c'est tranquille. Ah, bah en tout cas, Jean-François, première bonne nouvelle, t'es présélectionné. Tu es le premier présélectionné. Mais il n'y a pas que toi. On a aussi Mickaël qui vient de Verviers. Bonjour Mickaël. Bonjour André, bonjour toute l'équipe. Ça va bien Mickaël? Ça se passe la journée? Super, nickel. Bon, Mickaël, tu es présélectionné pour la grande finale, direction Las Vegas. T'as déjà été à Las Vegas, Mickaël? Pas encore. Non, mais t'es déjà dans l'avion que ça fait un bruit pareil ou pas? C'est à côté des réacteurs. Bon, Mickaël, essaye de te mettre au calme, comme ça on t'entendra mieux. On a aussi Nathalie qui est là, qui vient de jouer. Bonjour Nathalie. Bonjour Fenario. Voilà, elle est en forme la Nathalie. Hein. Oui. Bon, Nathalie, t'es pas trop en flip? Oh, je stresse. Tu m'étonnes. Oh, mais hey, un voyage à Las Vegas, ça arrive pas tous les jours, quoi. C'est un truc de fou. On a aussi. Mais malade. Oh, bah attends, reste bien là, parce que t'es pas encore la dernière. Hein, parce que là, ça fait 3 présélectionnés. On en a tiré un au sort en dernier aussi. C'est Mélissa qui vient de Hermé. Bonjour Mélissa. Hello, ça va bien? Ça se passe? Super. Oui, j'adore, ils sont tous excités. Mélissa, t'as déjà été à Las Vegas ou ce serait une première? Non, ce serait une première. Eh bah, tu m'étonnes. Je croise les doigts pour toi, Mélissa. Bon, est-ce que tous les 4 auditeurs m'entendent? Est-ce que vous pouvez confirmer que tout le monde m'entend bien? Oui, collectif. Parfait. Levez la main. Bon, alors, vous savez, là, vous êtes présélectionné. C'est déjà une chouette étape de franchie. Mais. C'est bien. Il va falloir essayer de relever un défi maintenant. Parce que c'est pas tous les jours, quand même, qu'on repart avec un voyage à Las Vegas. Ça se mérite. Bon. Pour être le grand gagnant de ce voyage à Las Vegas avec Desperados, il va falloir m'envoyer une photo. Je vous donne déjà l'adresse. Mail. En bikini, non. Oh, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Notez déjà l'adresse. Alors, c'est despé@funradio.be. Tout le monde a bien noté l'adresse mail? Oui. Ouais, ça fait deux oui.

Are your hands shaking? Are your fists breaking? Are you climbing over walls? Are the times changing? Is the noise fading? 'Cause I want. Qui va partir avec son voyage à Las Vegas. Je peux déjà vous dire que j'ai reçu une photo, hein. Mais je vous dis pas c'est de qui. Et ouais, il y aura le son de Justin Timberlake dans un instant. Mais d'abord, on se fait l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et on va vous dire si, je sais pas, si vous êtes sur le point de faire un tatouage, quel genre de tatouage vous devriez faire. Les béliers. Eh bien, vous pourriez vous faire tatouer 2,95€ le kilo, hein, c'est le prix de la viande de porc, ça vous rappellera de faire régime. Les taureaux. Ce qui vous irait bien, c'est une petite maison sur les côtes, comme ça, quand vous draguerez les filles, vous pourrez dire j'ai une villa sur la côte. Ouais. Le baraki, quoi. Gémeaux. Ça fait tellement longtemps que vous êtes célibataire, faites-vous tatouer une glace, comme ça, peut-être que quelqu'un aura envie de vous lécher. Oh non. Dégueulasse, les cancers. Votre femme voudrait que vous fassiez tatouer votre adresse, comme ça vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas rentrer. Vierge. Vous pourriez tatouer sur votre sexe Renault Clio, comme ça vous pourriez enfin dire elle a tout d'une grande. Les lions. Faites-vous tatouer un foie, celui-là on pourra pas vous le retirer. Balance. Tous les week-ends vous sortez en boîte et vous ramenez tout un tas de mecs, faites-vous tatouer entrée libre au-dessus des fesses. Scorpion. Faites-vous tatouer un truc que vous n'avez pas, quelque chose que vous n'aurez peut-être jamais, genre un cœur. Enfin, c'était méchant. Les Sagittaires. Le tatouage qui vous irait le mieux, la photo de votre grand-mère, comme ça vous n'oublierez plus d'où vient votre maison. Merci mamie qu'on dit. Les Capricornes. Faites-vous un tatouage en harmonie avec votre caractère, vous qui râlez tout le temps, grincheux, ça serait top. Vierge. Non, c'est les Verseaux. Oh. Vous devriez vous faire ce que vous aimez le plus, quoique le visage d'un enfant qu'on connaît pas, c'est assez bizarre. Ah, t'exagères quoi. Allez, on termine avec les Poissons. Le tatouage qui vous irait le mieux, aucun. Votre corps est trop déformé pour écrire dessus. Sympa. Allez, le son des fleurs continue sur Fun Radio avec Justin Timberlake. Je vous ai calé aussi Quintino, c'est nouveau ça, hein, on était les premiers sur le coup. Et juste après, mais vraiment juste après, c'est promis, on va vous dire qui est le grand gagnant du voyage à Las Vegas. Tout ça c'est grâce à Desperado, c'est Fun Radio, hein, bougez pas, ça sera juste après Quintino sur Fun. Depuis le 29 août à 20h, c'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule, ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02-851-4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Maman, vite, ta carte ! Non. Vous avez entre 18 et 28 ans, découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Cette semaine avec Flair, offrez-vous une thalasso pour deux personnes et ne payez que pour une seule. Il faut le Flair.

c'était Quintino sur Fun Radio. La suite, c'est avec Cashmere, Wildcard. Il y aura aussi du Jennifer Lopez, de Chainsmokers et puis Felix Jane qui arrive dans le prochain quart d'heure sur Fun Radio. Wouh! C'est le moment, c'est l'instant, c'est maintenant que ça se passe sur Fun Radio. On vous a dit toute cette semaine qu'on vous offrait un voyage direction Las Vegas avec Desperados pour participer au Festival Zero Gravity. Bon, alors comme ça, c'est un truc en anglais, ça a l'air vraiment chouette. Je comprends pas trop. Le concept, il est simple. En fait, vous allez aller jusqu'à Las Vegas et puis là-bas, il y a un festival qui se fait dans un avion, un peu genre avion de la NASA. C'est-à-dire que ça reproduit l'effet de la pesanteur. Donc l'avion décolle, il coupe les moteurs, donc ça se crache un peu, et en fait ce truc là fait qu'à un moment donné, bim, vous commencez à sautiller. Était tout léger. Ouais, comme des astronautes, c'est vraiment énorme. Et alors le truc qui s'est jamais fait, c'est qu'il y a carrément un DJ dans l'avion qui mixe tranquille, tu vois. Pendant que l'avion il fait des loopings, des machins, lui il continue à scratcher, rien à foutre, il lâchera rien. C'est les meilleurs DJ qui seront là. Et puis sur place, de toute façon, il y a plein de fêtes, plein de fiestas qui seront au programme. Bref, vraiment, ça va être 3-4 jours de teuf non-stop, les gars. Et tout ça, c'est grâce à Desperados et Fun Radio. Alors, il y avait une condition pour ça. On avait 4 finalistes. Il y avait d'un côté Jean-François, Michael, Nathalie et Mélissa. Je leur ai demandé de m'envoyer une petite photo sur l'adresse despe@funradio.be. Il y avait plusieurs conditions pour ça. Il fallait avoir une personne de plus de 18 ans et plus. Hein. Même la mamie, ça fonctionne. Hein. Voilà. Il fallait avoir aussi sur la photo une bouteille de Desperados, un objet qui fait penser aussi à un avion. Une photo, peu importe, n'importe quoi. Et alors aussi un objet genre qui fait la fête. Comme si vous étiez en mode def. Alors, c'était, on est d'accord, le tout premier à m'envoyer sa photo avec toutes les conditions qui étaient requises dessus, qui remporte le voyage à Las Vegas. Je sais qui a gagné. Trop de suspense, trop de suspense. J'ai le mail sous les yeux, j'ai la photo sous les yeux. On va faire sonner tout de suite maintenant chez cette personne qui va pouvoir préparer ses bagages pour aller à Las Vegas avec une personne de son choix. Si ça décroche, c'est gagné. C'est énorme. Un voyage à Las Vegas, les gars. Sérieux, c'est énorme. Trop de suspense. Il faut que ça décroche. Allô ? Oui, bonjour. Mélissa ? Bonjour, oui. Mélissa, ça va ? Super bien, oui. Bon, et ben voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Allez, bonne journée. Mélissa, tu sais pourquoi je t'appelle ? Oui, ça me doute. Ouais. Je t'appelle parce que tu pars à Las Vegas avec Desperados. Énorme. Mélissa, t'es la grande gagnante, quoi, de ce voyage à Las Vegas. C'est la première fois que tu vas aller là-bas? Oui, oui, c'est la première fois. T'es tout émue, c'est mignon. Tu vas y aller avec qui, Mélissa? Je vais y aller avec ma meilleure amie, Alison, d'ailleurs, je pense que t'écoutes. On va Elles sont prêtes, elles sont adorables. Eh ben, félicitations, ma Mélissa, tu vas t'éclater. C'est la première fois à Las Vegas, bah, je peux te dire que tu vas y aller dans de bonnes conditions. Hein. Sérieusement, tu vas faire la fête non-stop. Et puis, franchement, l'expérience du Festival Zero Gravity, là, ça a l'air énorme. Hein. Ouais, on peut pas tester. Oui, non. Mélissa, franchement, t'en profites pour nous. Tu feras un max de photos, des vidéos, tout ça, et tu viens la poster sur la page de Fun Radio. Hein. Parfait. Non, pas dans les toilettes, ça on veut pas. Mélissa, on te fait des gros bisous, encore félicitations, on t'applaudit. Merci, merci. Et voilà. Bon, par contre, pour tous ceux qui sont déçus là, parce que je sais qu'il y en a aussi, rassurez-vous. Eh ben, la semaine prochaine, peut-être bien qu'on enverra encore quelqu'un à Las Vegas. Non, moi, je dis ça, je dis rien. Il y a qu'à rester connecté sur Fun Radio. Moi, je peux pas vous dire non plus. Hein. C'est un peu un secret. Tu vois ce que je veux dire. Bon, allez, la suite du son maintenant. C'est avec Cashmere sur Fun Radio. On va sur les potins et les popotins. On va tout savoir sur les people et la jet set. Et puis, bah, il y aura aussi du Vacher Time, le mec un peu concon de entre 6h et 9h le matin qui appelle les gens et qui les fait chier. Bougez pas. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Partez vous éclater à Las Vegas pour un party trip de folie avec Desperados et Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Fun Radio Connected dès 20h. Dès que vous entendez le Gravity Mix, envoyez Despé au 6322. 1€ le message et gagnez chaque jour votre pack Desperados. Devenez l'un des finalistes qui remportera des places pour le festival le plus extrême dans un vol zéro gravité à Las Vegas avec Desperados.

Bonne soirée sur Fun Radio. La suite, c'est avec Cachemire. Ah bah non, je viens de l'écouter, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Bah je veux voir si vous avez envie encore une mais fois. Mais non, c'est pas Cachemire qu'on va écouter, c'est Jennifer Lopez. Ah, mais vous quand même, pas. La ressemblance, hein, c'est pas pareil. Bah c'est bah pas si, un tout petit fait peu. Péter, c'est bon comme ça, c'est les potins maintenant. Oh. Allez. Moi je te laisse dans la merde, moi je dis plus d'accord. Rien. Appuie sur le. On s'assoit confortablement. On se relaxe et on ne pense plus à rien. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Bon, et tout à l'heure, moi je venais kicker du standard qui avait pris les commandes de l'émission, ouais. Mais finalement, Sandro, bah oui, ça va pas faut... non plus en fait. Ah non, non, ça va pas. Alors, je lance un appel national à l'écoute de Fun Radio. Là, on cherche un pilote de radio. Si vous avez envie de venir faire la réa de l'émission, 3044 pour vos messages, hein, on sait jamais. Bon, on va se faire les potins là maintenant, on va tout savoir sur les people avec Fab. Fab, tu as chopé quoi comme info? On va parler de Mel B aujourd'hui. Ah, mais avant ça, d'ailleurs, en parlant des boys bands, girls bands, enfin tous ces trucs là des années 90, je peux déjà vous dire un truc. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, je suis trop contente. On aura Franck des 2B3 à l'antenne de Fun Radio la semaine prochaine. Bim, il sera avec nous. Ouais, c'est cool. Super contente. C'est chouette. Comment t'as son numéro de téléphone? Je t'expliquerai. D'accord. Non, allez, blague à part, qu'est-ce qui se passait avec Mel B des Spice Girls là? Avant d'abord, je voudrais savoir, toi, est-ce que tu pourrais participer à des émissions de télé? Genre, ouais, je le fais de temps en temps. Ouais. Genre, tu te verrais ou quoi? Oh là là. Ouais, non. Mais comment c'est la paix? Non, mais ça dépend. Tu veux dire quoi? Genre, tu genre peux participer en mode tu bosses ou ah oui non ça non. Non, donc une émission de survival hyper dure. Ah non, ça je peux pas. Running wild. Attends, comme quand ils sont en train de bouffer les larves de je sais pas quoi de non ça no way. Même pour une attends, non seulement tu bouffes des espèces de d'asticots géants, ouais. Mais à la fin donne une bête statue en bois, c'est une vanne pour tout ce que t'as fait. Pour faire des cure-dents pour nettoyer les gens. Donc non, moi je peux pas. Est-ce que quelqu'un pourrait participer à ce genre d'émission dans l'équipe Sandro? Pas du tout. On t'a pas demandé Alice. Non, je rigole. Le geek est du standard. Ouais, pour perdre un peu de poids. Oh, tu m'étonnes. Bon bah non, donc non, globalement donc alors, non. On oublie Running Wild aussi, ça c'est ouais, du Koh-Lanta version musclée. Mais c'est une émission qui tue, c'est avec un, comment on appelle, c'est un mec qui a un survival. C'est aux États-Unis ça. C'est aux États-Unis, le mec s'appelle Burr Grylls. Yeah, Burr Grylls. Motherfucker. Tu as vu l'accent? Et il a déjà emmené Barack Obama, Michel. Attends, sur l'île? Ouais, il les a emmenés dans des trucs de survie, il leur apprend comment survivre. Et là, il a emmené Mel B. Des Spice Girls. Voilà, il a voulu. Oh, attends, c'est l'occasion d'écouter des Spice Girls. Don't tell me what you want, with it really really want. I wanna really really want. Don't tell me what you want, with it really really want. I wanna really really really want. Look at that eye. Les occasions sont bonnes pour écouter du Spice Girls, j'ai l'impression. Il a envoyé, et bah du coup, Mel B sur l'île Survivor. Alors, il les a emmenés, il a voulu montrer des trucs de survie, et ils sont tombés sur une méduse. Et il lui a dit, regarde, je vais te montrer la partie de la méduse que tu peux manger. Bah ouais, parce qu'il paraît qu'il y a des trucs comestibles dans la méduse. Non. Mais donc, résultat, en prenant la méduse, le mec s'est fait piquer. Bien fait pour sa gueule. Ça, et donc, Mel B a dû lui donner un coup de main. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a baissé son pantalon, elle lui a fait pipi sur la main. Non. Enfin, quoi que de faire pisser dessus par une Spice Girl, ça a quelque chose de classe un peu, non? Non. J'ai une question qui me vient comme ça, mais est-ce que vous voudriez, par exemple, si vous pouviez choisir une star qui vous pisse dessus? Cette émission part en couille. Non, attends, on va poser la question à Olivier qui vient de Gerpine. Bonjour Olivier, ça va? Salut Audrey, ça va très bien et toi? Non, bah ouais, Olivier, t'as l'écoute de la Piawar? Toujours, moi. Eh ben... Moi, je n'écoute que toi. Je n'écoute que toi et que Fun. Oh, c'est mignon tout plein. Quel faux beau l'amour. Il vient de Gerpine en plus, hein. Carolo aussi, 0-0-0. Représente. Enfin, c'est le quartier. C'est le bon quartier. 3-0 qu'on a battu l'Olympique hier. Eh, c'est bien ça. Ah, oui, ça le Sporting de Charleroi, badaboum. On a battu les dogs. Voilà, ça vous dit rien, mais je vous dis quand même. On a battu les dogs. Les zèbres ont mangé les dogs. Ouais, c'est bien dit comme ça. Bon, Olivier, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le football, mais si tu pouvais choisir une star qui pourrait te faire pipi dessus, ça serait laquelle? Ce serait Marie-Audrey Piolet. Ah non. Eh ben écoute, on peut réaliser ton rêve. Si vraiment tu veux que moi je vienne te faire pipi dessus, tu sais, si ça peut te faire plaisir, je me déplace, hein, Olivier, n'hésite pas de problème pour ça. Oh, tiens, même si t'habites à Bruxelles, moi, il n'y a pas de problème, quand tu viens à Charleroi, tu peux le faire. Excusez-moi, cette conversation est un tout petit peu écoute, si tu veux, on t'envoie une bouteille d'urine et t'en fais ce que tu veux. Mais oui, voilà. On va prendre la bouteille. Dans l'équipe, bon. si vous pouviez choisir quelqu'un qui vous fasse pipi dessus, une star, Oui. Sandro. Maggie de Bloc. Maggie, oh Là c'est pas pipi, là c'est une, c'est un rat de marée. C'est là, pipi avec des morceaux dedans. Oh, non. Alison du standard. Clive Owen. Oh, bah, évidemment, faut qu'elle me sorte quelqu'un que c'est je ça. Connais pas. Mais c'est qui beau gosse. Mais c'est qui, c'est qui? Un acteur. Un acteur, d'accord. Merci, pourquoi pas. Le kéké du standard. Tara Red. Ok, toi aussi je connais pas. C'est qui? American Pie. Ah, mais moi les actrices, les acteurs, je connais pas les noms. Fab. Mimi Maté. Mais elle va te pisser sur le pied. Elle peut pas aller plus haut. Bon, Olivier, merci. Tu vois, on a des questions existentielles dans cette émission. Tu reviens quand tu veux, Olivier. Je te fais des gros bisous. Il est parti ? Il est déjà parti, ouais. Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! Ah bah, Gerpine, ça fait loin, hein. Bon, et vous, de l'autre côté de la radio, si vous, si quelqu'un pouvait vous faire pipi dessus, une star, peu importe, ce serait qui ? 3044 pour vos messages. Je lis juste après Jennifer Lopez. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Vous pourriez imaginer que Jennifer Lopez elle vous fasse pipi dessus ou pas? Oh ouais. Bon, The Chainsmokers featuring Daya, ils sont trop, hein, ils peuvent pas nous pisser dessus. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi son problème Audrey aujourd'hui? Mais c'est parce que Fab nous a appris que Mel B, vous savez, c'était une ancienne des Spice Girls. Et bah elle a pissé sur un animateur d'un espèce de genre Koh-Lanta, mais aux États-Unis. Oui, mais là c'était nécessaire, tu vois. Là tu. Bah, parce tu qu'il s'est fait piquer. Il s'est fait piquer par une méduse. Mais imagine, t'es sur la plage et tout, et puis là tu te fais piquer par une méduse et il y a une star qui passe par hasard. Laquelle tu voudrais que ce soit, tu vois? Genre vraiment si dans, ouais, dans un un rêve, quoi. Laquelle? Moi, je verrais bien Salma Hayek ou Kim Kardashian. Oh, Kim Kardashian. Non, mais attends, elle boit que de l'eau sans rien et des brocolis, son pipi doit être transparent. Moi, je rêverais que Bradley Cooper me pisse dessus. Ah oui, je dirais pas non plus. Voilà. C'est très bizarre. Aussi, Bradley Cooper. Pas grave, c'est un beau gosse. Il est beau, pour ceux qui ne voient pas Bradley Cooper, qui c'est celui qui fait la pub d'Agendas. Oh là là. Et qui joue dans American Sniper aussi. Ouais, et quand il vient avec la cuillère et qu'il fait oh, j'ai pas de cuillère, va falloir que je mange la glace avec mon doigt. T'es là, tu fais oh. Bah excusez-moi, calme-toi. Bon, on a David aussi qui vient de Maze, qui a 33 ans, qui lui aussi voudrait bien qu'une star lui fasse pipi dessus. David. Oui, ce serait pour moi Katsumi. Tu as raison. Monsieur regarde des films d'auteur. Non, mais attends, Katsumi. Monsieur regardait. Katsumi, on est d'accord que c'est l'actrice de cul asiatique, oui, quoi. Ouais. Disons les choses comme ça. Oui, en fait, mais méga canon. Chez elle, c'est un des seuls trucs qui n'a pas été pénétré, je pense. Oh non. Oh, David. Bon, heureusement, c'est vendredi, le boss il est pas là, donc on peut pas. Oh, ça c'est fait. Mon dieu. Non, mais Katsumi, c'est vrai que franchement, elle a fait combien de films? C'est vrai que ça y est. C'est ah, bon, oui, hein. Ah, ça c'est. Ah, là c'est du bon. Il y a que sur le monde que sur le 40. David, ça c'est dit, tu as dit devant tous les auditeurs de Fun Radio que Katsumi devrait te faire pipi dessus. Si un jour elle vient en Belgique, promis, c'est pour moi, je l'appelle et tu viens en studio, d'accord? C'est le cadeau, merci beaucoup. David, je te fais des gros bisous, bonne soirée à toi, tu reviens quand tu veux. Bonne soirée. Bisous, merci. Ciao ciao. On se fait le son de Chainsmokers maintenant, comme promis, et puis il y aura quoi? Il y aura du Dua Lipa, il y aura David Guetta aussi. David Guetta qui est en concert avec Fun Radio, hein. Allez voir sur funradio.be, on vous envoie carrément voir son concert. C'est où? C'est à Asselt ou un truc comme c'est ça. C'est exactement c'est ça. C'est chez nos amis flamands, mais c'est pas grave, on vous envoie quand même. Aucun problème. Allez voir sur funradio.be, il y a toutes les infos. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah bah oui, ce sont les journées colossales chez Colishop, avec des réductions gigantesques sur le linge de lit, les jouets et une foule d'autres articles. Jusqu'au 11 septembre sur colishop.be. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, si le décor protège-le-moi, sous l'orage ou sous le vent, si le décor dure très longtemps. Les lasures et les vernis Xyla Décor protègent le bois à l'intérieur comme à l'extérieur, en vous garantissant un superbe résultat pour longtemps. Xyla Décor. L'odeur d'une nouvelle Opel. Cette petite tension dans la nuque au moment d'allumer le moteur. La chair de poule quand on découvre le tableau de bord. Ce léger frisson quand on passe la sixième pour la première fois. Pour profiter à fond de ces sensations, vous recevez en septembre, à l'achat d'une nouvelle Opel, 4 fabuleux avantages gratuits. 3 ans de garantie, 3 ans d'entretien, 3 ans d'assistance et 3 ans d'OnStar. Pour jouir encore plus longtemps du plaisir de conduire sans souci, découvrez la force des 4 sur opel.be. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment, on part 3 semaines, 3000 euros. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins, à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Conditions sur orange.be. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29 euros par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330 euros. Fun Radio. Le son. Is it a yes or is it no? Ah, I À la radio, ce que Ribéry est à l'orthographe. Heureusement, ils sont pas là pour faire des dictées. Retrouvez toute l'équipe de l'Happy Hour du lundi au vendredi de 17h à 20h sur Fun Radio. C'est Dua Lipa qui arrive sur Fun Radio. Fun Radio. Ce mois-ci, chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1000 euros dans votre magasin Château d'Axe. Il y aura aussi du David Guetta, D-Hero pour suivre côté son dance floor. On va se faire le Vaché Time. Tout ça, c'est le programme après les infos. Et c'est avec Carlo que ça se passe. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Je vous parlais à 17h de ce probable nouvel essai nucléaire nord-coréen. Le cinquième depuis que Pyongyang joue avec le feu atomique. Le nucléaire qui pose régulièrement problème en Belgique aussi d'ailleurs. Bon, des problèmes un petit peu moins graves, évidemment, hein, jusqu'au jour où le pire se produira dans nos vieillissantes centrales. La durée de vie des réacteurs a été prolongée, ce qui augmente les risques d'incidents et de fuites, forcément, sans oublier les micro-fissures dans les cuves, des incidents qui, effectivement, se multiplient. Mercredi soir, le réacteur de Tihange 1 a été mis à l'arrêt. Ce matin, ça a été au tour de Tihange 2 pour une avarie dont on ne connaît toujours pas la cause, mais dormez tranquille. Bonnes gens, Engie Electrabel vous assure qu'il n'y a aucun risque, vu que l'incident s'est produit hors de la zone nucléaire. À Caen, un cessez-le-feu à Alep, cette ville martyre de Syrie, théâtre de terribles violences depuis plus de 4 ans maintenant. Réponse dès que possible. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président turc Erdogan à son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un entretien par téléphone. Ankara espère qu'une trêve pourra intervenir à l'occasion de la fête du sacrifice autour du 12 septembre. Là, je parle donc de moutons sacrifiés. Pour ce qui est des humains, c'est tout le reste de l'année. Et puis, si je vous parle d'un candidat à la présidentielle américaine qui n'a jamais entendu parler d'Alep, vous allez sans doute penser à Donald Trump. Eh bien, pas du tout. C'est Gary Johnson, candidat libertarien. Ah ouais, faut savoir qu'à côté des républicains et des démocrates, on a toujours des indépendants qui se présentent au scrutin. Et donc, quand un journaliste a posé une question à ce monsieur à propos d'Alep, il a répondu « C'est quoi Alep ?» Pas sûr que ça lui coûtera cher d'ailleurs, lui qui obtiendrait 13% des suffrages. C'est que, dans ce pays, le manque de culture générale n'est pas vraiment un handicap. Faut quand même savoir qu'Alep était célèbre bien avant la guerre. En fait, c'est une des plus vieilles villes du monde, réputée également pour son savon, fabriqué à partir d'huile d'olive. Paradoxe, l'américaine Serena Williams est devenue cette semaine la joueuse de tennis qui a remporté le plus de matchs en Grand Chelem, tous sexes confondus, et pourtant, elle va perdre sa place de numéro 1 mondial à l'issue de l'US Open après 186 semaines consécutives au sommet. Serena battue par la Tchèque Pliskova en demi-finale. Pliskova qui affrontera l'Allemande Kerber en finale et c'est donc cette dernière qui va succéder à Williams dès lundi, quel que soit le résultat du match. Enfin, en football, le Sporting de Charleroi sera-t-il toujours en tête du championnat à l'issue de la sixième journée, Audrey? Ah bah, on est premier, hein. Pas pour le moment, donc c'est bon. Oui, mais est-ce que ce sera encore le cas à l'issue de cette sixième journée, Audrey? Oui, bien sûr. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir gagner. Où ça? Oh là, ça va être dur, il va falloir coucher, on sait pas. Ah ouais, il va falloir gagner où ça? Eh ben, à Anderlecht. C'est pas ça. Je suis, hein. C'est ça, mais ce sera pas facile. Moi aussi, ça va le faire. On verra bien. Sinon, le Standard avec un nouvel entraîneur accueille Genk dimanche toujours. J'ai un copain qui est supporter de Malines et qui est pas content parce que le Standard a piqué l'entraîneur des Malinois la veille, Eupen. Donc, demain samedi, aura joué contre Stand et Mocron face à Zulte Waregem. Fun. Fun Radio. Les doubles bons double points du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Ah bah oui, hein. Moi, ça fait déjà quelques semaines que je les avais. Moi, hein. Ah bah attendez, je savais que ça allait arriver. Dans quelques petites minutes, c'est Vacher Time qui va arriver. Un gars un peu bizarre, entre 6h et 9h tous les matins dans Bruno dans la radio, il appelle les gens, il les fait chier. Bon, on va écouter ce qu'il a fait ce matin. Et puis, si vous avez terminé la semaine, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de cuisiner, bah restez bien là parce que tous les vendredis, vous le savez, dans la Piawar, on vous envoie au resto. On fait tout ça juste après la météo, Carlo. Entre 21 et 24 degrés demain. Parfait. Ouais, demain, ce sera parfait. Oh, dimanche, beau, un tout petit peu moins bon avant le retour d'une vague de chaleur la semaine prochaine. Voilà, je vous retrouve dans une heure. Vous laissez avec Audrey. Et alors, le son d'un groupe au nom assez dégueulasse en fait, hein. Bah pourquoi? Moi, ça me fait penser à du sexe. Ah bon? Dua Lipa. Et ça veut dire quoi en français? Bah je sais pas, mais moi ça me fait penser à de lèvres vaginales. Oh non! Carole, vas-y, balance la musique. Fun Radio. En septembre chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real, all the real estate gets. You probably still adore me, with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah, it's a darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself, man, the answer to your prayers. I'll give you the pleasure, heaven, and I'll give it to you harder than hell. We'll be right back. from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm on tape. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah, it's the darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure, heaven, and I'll give it to you harder than hell. Arrive sur Fun Radio avec Bailar. Il y aura aussi du David Guetta. David Guetta qui est en concert avec Fun Radio. Ça se passera le 21 octobre à l'Etias Arena d'Asselt. Allez voir sur funradio.be. Il y a toutes les infos à choper. Avant ça, on va se faire le Vaché Time maintenant dans l'émission. Vaché, c'est un mec un peu bizarre. Mais il est cool, hein, il est gentil. Mais qu'est-ce qu'il peut faire chier le monde, sérieux? Tous les jours, entre 6h et 9h, dans Bruno dans la radio, il appelle les gens. Et franchement, il les saoule. Il les saoule. En gros, c'est le spécialiste du soulage, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Mais en fait, il s'est passé pour un élève d'école tout simplement, ouais. Et qu'il adore jouer à Pokémon Go. Vous connaissez la nouvelle mode? Évidemment. Hey, c'est interdit dans les écoles. Mais exactement, c'est pour ça qu'il appelle, pour se plaindre, parce qu'en fait il y avait un Pokémon Go dans la salle des profs et il y a un petit problème avec bah les profs. Bah oui, bah attends, Vaché, il voulait choper le Pikachu, c'est normal. Bienvenue au rectorat de l'Académie de Rouen. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. En fait, je voudrais porter plainte contre mon lycée, si vous voulez bien que je vous explique les raisons. Oui, allez-y, je vous écoute. Eh bien, comme je joue à Pokémon Go et qu'il y a un Pokémon qui est dans la salle des profs, je voulais rentrer et les profs, ils m'ont interdit, donc je me suis vachement vénère, je les ai insultés et tout. Et alors, vous n'avez pas allé dans la salle des profs? Oui, mais c'est parce que c'est un Magikarp, madame, et c'est le seul que j'ai pas, donc... Magikarp ou Magie, ce que vous voulez. Pourquoi ça s'appelle la salle des profs? Mais non. C'est parce que c'est réservé aux profs. Et vous, si je vois vos Pokémon dans une arène, je vous jure, je les bute. Mais vous êtes sérieux, monsieur? Vous êtes sérieux? Oui, bonjour, monsieur. Allô? Je disais à votre collègue, il faut me laisser rentrer dans la salle des profs pour choper un Pokémon, s'il vous plaît, de toute urgence. Mais attendez, vous croyez que c'est vous qui faites la loi, qui décidez où vous allez quand vous allez dans un établissement scolaire? Mais vous êtes complètement fou, quoi? Il y a un Magikarp et un Salamèche. Mais attendez, j'ai mon expression, mais on s'en fout de savoir quel Pokémon vous allez avoir. On s'en fout! Blasphème! Vous n'aurez pas accès, ça dépend, c'est comme ça. Il y a un Salamèche et un Magikarp, on n'est pas en train de parler d'un Roucoule ou d'un Aspicot, purée. Mais ça peut être un Magikarp n'importe qui, j'y connais rien et on peut très bien vivre sans attraper un Magikarp, je vous rassure. Il comprend rien, mais il est con comme un ronflex, hein, celui-là. Pardon? Vous m'avez dit quoi, là? Oh, détends-toi, t'as un Pikachu dans le fion ou quoi? Bon, monsieur. Énorme. Bah c'est normal, attends, si c'était un Salamèche, faut pas déconner quand ouais, même. C'est ça, quoi. Ça fait au moins 100 points tout ça. Le Vaché Time, c'est tous les jours sur Fun Radio entre 6h et 9h. Si vous voulez écouter les conneries, faut se brancher dans Bruno dans la radio. La suite maintenant, c'est avec David Guetta que ça se passe. Et juste après, c'est D-Row. I believe in the wonder. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. There's a drug running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly. fly. I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. The world is mine. Take a look what you started. In the world flashing from your eyes, and you know that you've got it. From the thunder you feel inside, I believe in the feeling. All the pain that you left to die, believe in believing. In the life that you give to try, the world is mine. The world is mine. Fun Radio. C'est trop cool. Fun Radio. Le son dance floor. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. Carrément, on va enchaîner avec le son de Tiesto et John Legend sur Fun Radio. Summer Night, il y aura aussi Shit's Cause, là le tout nouveau. Mais dans la Piwar, eh ben, on a décidé de vous chouchouter. Voilà. C'est un peu ça, votre émission. Vous voulez un truc, vous me le dites. 30-44 pour vos messages. Je ça arrange pour vous le filer. Ça marche que pour les auditeurs. C'est dommage, vraiment. Bon, tous les vendredis, vous le savez maintenant, c'est une tradition. Dans cette émission, on vous envoie au restaurant. Vous avez passé une semaine de merde, une journée de merde. Vous êtes fatigué. Et imaginez-vous, après tout ça, faut encore rentrer, faut faire à manger. T'as pas envie, tu vois. Faut pas déconner non plus. Hein. Aujourd'hui, en plus, on vous envoie dans un resto. Oh, mais je bave rien que d'en parler, quoi. Alors, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, on vous envoie du côté de la brasserie Alphonse à Grand Bigard. Oh. Alors, c'est un restaurant qui travaille que des produits du terroir, ok, des producteurs belges. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un grand assortiment de viande pour les amateurs, des viandes maturées. Il y a un omarium dans le restaurant où tu as des homards vivants et tout ça. Et le truc qu'il y a dans ce restaurant et qu'il n'y a pas dans les autres, c'est qu'en cuisine, ils ont un four au feu de bois. Oh, et toutes les viandes sont cuites dans ce four. Oh, ça doit donner un goût trop bon. Ah, mais c'est une tuerie, ça. C'est j'ai faim. De dingue. moi, j'y vais quand tu veux, moi. Énorme. Bon, bah voilà, Grand Bigard à la brasserie Alphonse, si ça vous dit. Et alors quoi, il y a une terrasse? Comment il est le resto à l'intérieur? Fais-nous rêver. Ah, c'est une vieille brasserie belge. C'est très sympa. C'est belle typique, terrasse en été, ouais, avec des jolis grands parasols, comme ça, j'ai vu. En plus, il fait beau ce soir, donc peut-être que vous aurez l'occasion d'aller en terrasse. Ah bah, certainement. Imaginez-vous manger un petit homard au feu de bois ou alors la viande maturée. On se fait plaisir ce soir sur Fun Radio. Hein. Si ça vous dit d'aller au resto ce soir, on vous le file hein, pour vous et une personne de votre choix. Voilà, c'est gratuit. C'est pour nous. Bah oui, c'est gratuit. C'est pour Fun Radio. Alors, on cherche quelqu'un aujourd'hui qui a passé le plus de temps dans les embouteillages. On a décidé qu'on allait vraiment essayer de filer un chouette cadeau à quelqu'un qui a galéré aujourd'hui sur la route. Alors, allez-y, dites-moi par SMS au 3044, combien de temps, sérieux, aujourd'hui, vous êtes resté dans les embouteillages? Celui qui sera resté le plus, il repartira avec son restaurant en direction la brasserie Alphonse ce soir. 3044 pour vos messages. On va prendre quelqu'un à l'antenne, hein. Avant 19h, c'est promis, il y aura le son de Cheat Code. C'est bon, ça, le tout nouveau Let Me Hold You. Et puis juste avant, c'est parti, c'est le duo le plus improbable de Fun Radio, Tiesto et John Legend. Dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Quelque chose de désagréable est arrivé à 18% d'entre nous cet été. D'après vous, c'est quoi? Moi, je dirais une panne pendant la canicule de voiture. Ça, je crois que c'est arrivé à Luzman, et la panne. Ah oui, mais c'est pas la voiture, hein. C'est gênant. Non, Bruno dans la radio. Bruno revient lundi sur Fun Radio. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond. 1 et go! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de Mediamart. Sous les projecteurs, un MacBook Air pour 999 euros seulement, avec une carte cadeau de 50 euros. Maintenant dans nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Cette semaine avec Flair, offrez-vous une Thalasso pour deux personnes et ne payez que pour une seule. Il faut le Flair. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour la Polo. Oui. Alors, pour 129 euros par mois, vous avez une Polo. Ok, je la prends. Et donc je vous parle pas de son front assist et son système de freinage d'urgence en ville, de sa radio à écran tactile ou de son verrouillage centralisé, de ses vitres électriques à la... Non, je connais, je la prends. Ah, c'est décidé. Ah oui, c'est décidé. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 129 euros par mois en location pour particuliers. Infos et conditions sur Volkswagen.be. Check it out! Fun Radio présente Dimitri Vegas and Like Mike Bringing the Madness. Fun Radio. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace d'Anvers. Salut, c'est Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. Éclatez-vous avec les DJ belges numéro 1 au monde. Dimitri Vegas et Like Mike à Anvers pour 4 dates exclusives. Infos et tickets sur livenation.be. Fun. Les DJ stars Fun Radio, Dimitri Vegas and Like Mike au Sport Palace d'Anvers. C'est avec Fun Radio. The radio of Dimitri Vegas and Like Mike is Fun Radio. Le son dance floor. Le son dance floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio.

ce soir avec Fun Radio direction la brasserie Alphonse. Alors on cherche l'auditeur qui a le plus galéré aujourd'hui sur la route, celui qui est resté le plus longtemps dans les embouteillages. Allez-y, vous m'envoyez un petit message 3044 pour me l'envoyer. Et puis dans quelques petites minutes, bah peut-être que ce soir vous serez au resto, tranquillou, pas vrai? Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. On tire quelqu'un au sort juste après le tout nouveau son de Shit Codes maintenant sur Fun Radio. C'est Let Me Hold You. Qu'est-ce que c'est beau ça! Bougez pas, on est avec vous jusqu'à 20h, c'est la Piowa. For the longest time we're jamming at the party, and you're whipping on beat, pushing everything on me. We got Silento on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The Henny got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, yo. Turn me on, turn me on. Let me jam you, girl, whip all around me. You got me going crazy, yo. Turn me on. Like you want me, I can feel your eyes. So go tell your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, yo. Turn me on, turn me on. Let me change you. Sur Fun Radio, qu'est-ce que c'est bon, Let Me Hold You. La suite, et bah c'est avec Major Lazer et Justin Bieber que ça se passe. Et on a Audrey qui est là, qui vient de Neder-Vrenbeek. Je me suis entraînée longtemps avant de dire le nom de la ville en entier, comme ça. Ça va Audrey? Ça va super bien, ça va bien. Et bah je trouve personnellement que tu as un très joli prénom. Je trouve aussi que c'est un prénom magnifique. Voilà, t'as tout compris Audrey. Comment ça s'est passé l'après-midi? Bah disons que j'ai vraiment compris le sens de manger son volant quoi. Ah ouais. Comment ça, manger ton volant? T'as pas eu d'accident, rassure-moi. Ah non, mais il y a un moment donné, tu sais plus quoi faire quand tu n'avances pas. Énorme. Mais même moi, je suis venue de Bruxelles, pour ceux qui connaissent, Schaerbeek Forêt, mais j'ai mis 2 heures. C'est pas possible, mais franchement. Mal, toi, extrêmement mal. Mais attends, 10 km, fieux. 10 km en 2 heures. Sérieux, faut vraiment kiffer Bruxelles pour ça. Hein. Non, bah alors, Audrey, t'es là parce que ce soir, on offre un restaurant à la brasserie Alphonse, à Grand Bigard, ouais. Avec une cuisine au feu de bois, du homard, de la viande maturée, une terrasse. Enfin, franchement, juste c'est le pied. Franchement, un truc qui fait. Non, peut-être pas de luxe, mais un truc qui fait plaisir avec des produits du terroir, des produits faits maison. Et ça, c'est juste le pied. On cherchait quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans les embouteillages, et c'est ton cas, Audrey. Hein. T'es resté combien de temps aujourd'hui? Là, je pense que j'ai explosé tout mon record. C'est 4h40 pour un trajet d'une heure, normalement. 4h40, wow. Mon dieu, mais tu. C'est bien, c'est quand il fait beau, tu bois beaucoup. Ah, pas au volant. De l'eau, évidemment. Ah, bah quoi d'autre? Mais après, tu sais plus t'arrêter puisque t'es dans les embouteillages. Oh. Et c'est à ce moment-là que tu as fait pipi. Tu fais pipi dans la bouteille. Si tu veux, je t'expliquerai comment on fait. Moi, je suis super spécialiste de ça. Ouais, je te jure, j'ai déjà fait pipi plein de fois dans la bouteille. Hein. Vraiment, et j'arrive à viser de fou. Pipi, toi, et il n'y a pas une goutte à côté. Oh. Ça faudra m'expliquer alors. T'inquiète pas. On va faire des stages collectifs chez Fun. Elle si donne tu veux. Des cours. Bon Audrey, eh ben, tu sais quoi ma chérie, t'as passé une journée de merde dans les embouteillages, et eh ben la bonne nouvelle c'est que déjà t'es présélectionnée pour le restaurant. Voilà, alors Audrey, maintenant un petit conseil, reste bien à l'écoute de Fun Radio parce que à tout moment moi je peux te rappeler, je peux t'envoyer au resto ce soir. T'iras avec qui si tu gagnes? Ah bah avec mon petit mari chéri. Hein. Moi, j'ai mignon tout plein. Allez Audrey, tu restes bien à l'écoute de l'émission. Et si c'est toi qui es choisi, eh ben un petit resto à la brasserie Alphonse, tranquillou. La suite maintenant, c'est avec Major Lazer et Justin Bieber que ça se passe. Et puis de toute façon, la Happy Hour, l'après-midi, on fait que ça. Vous gâter, vous offrir des cadeaux, voilà, c'est ça. Si après, juste le son de Major Lazer et Justin Bieber, il y a Kungs qui débarque, ça veut dire que c'est le double fun. À vous, le Golden Pass, direction Walibi, la carte qui vous donne la possibilité d'aller à Walibi gratos pendant toute l'année. Si vous entendez Kungs, vous envoyez Walibi par SMS au 6322. Bonne chance! Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold. I will still be patient with you. Sur Fun Radio. Envoyez maintenant Walibi par SMS au 6322. 1€ message. Et gagnez vos Golden Pass pour vous éclater toute une année à Walibi grâce à Fun Radio. Le son dance fest. I'm gonna rock you, big lamp. On fait ce qu'on veut sur Fun Radio. Tu vas pouvoir trémousser aussi tes petites fesses avec le son d'Alex Germis, Sweet Afterglow, qui arrive sur Fun Radio. Il y aura aussi du Black M, Je suis chez moi. Et vous l'avez entendu, il y a quelque chose qui va se passer maintenant sur Fun Radio. Je vous avais prévenu. S'il y avait le son de Major Lazer, oui, avec Justin Bieber, suivi d'un autre son. Je ne le dirai pas parce qu'on va voir si Léa de Tournai a été attentive. Salut Léa, ça va bien? Oui. Ah, c'est Léo, pardon. Léo, ça change rien. On applaudit tout de suite Alison du standard. Attends, excusez-moi, il écoute quoi à la radio, lui? Léo, qu'est-ce que tu fous? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre dans un parking, en fait, j'arrive sur Bruxelles. Ah, c'est ça. Depuis quand il y a de la musique dans les parkings? Bah écoute, c'est la fête. Il y a la musique dans la voiture. Ah, monsieur, c'est plaisir. Oulala, attends deux secondes. Oulala, ça veut dire que t'es pas en train d'écouter Fun Radio, toi? Si. T'es sûr de ça, Léo? Ah ouais, là, c'est sûr, c'est bon, je te crois, tu peux couper ta radio, c'est bon, après ça fait un écho de merde. Bon, Léo, t'as entendu le son de Major Lazer avec Justin Bieber, suivi de quel son? C'est ma femme qui l'a envoyé. Ah, bah faut demander à madame. C'était quoi l'autre son? La dame demande c'est quoi l'autre son, dépêche-toi, allez. Dis-les. Alors ça commence par K U et ça finit par U. Coupe ta radio Léo, je te jure, ça résonne à mort, c'est un super. C'est Kungs. Ah bah ouais, tu sais ce que ça veut dire. T'as repéré le double fun, tu repars avec ton golden pass direction Walibi. Bravo Léo, deux Golden Pass qui vont repartir chez toi comme ça tranquillou. Tu vas pouvoir aller à Walibi quand tu veux pendant toute l'année, en plus totalement gratuitement. Si ça c'est pas cool, sérieusement. Bon Léo, félicitations à toi en tout cas et à ton amoureuse. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio, tu raccroches pas, on prend tes coordonnées, ça marche? Bisous Léo, bonne soirée à toi. Et les cadeaux, ça continue sur Fun Radio. Si vous venez de vous brancher, vous le savez, le vendredi on vous envoie au restaurant. Et aujourd'hui, direction la Brasserie Alphonse. C'est un restaurant à Grand Bigard. Et ils ont un four à feu de bois dans leur cuisine. Ils préparent des produits du tiroir, typiquement belge. Du tiroir. Le tiroir du frigo, tu l'ouvres, tu as le produit. D'accord. Et ils ont de la viande maturée, ça c'est juste une tuerie. Ils ont un homarium avec des homards vivants que tu goûtes comme ça, juste cuit au feu de bois. Miam. Et nous, c'est là qu'on vous envoie pour faire un festin de feu de Dieu. Voilà, donc pour vous et une personne de votre choix, pour ça, je vous ai demandé de me dire combien de temps aujourd'hui vous êtes resté dans les bouchons. Si vous avez galéré, vous avez passé une journée de merde, et ben ce soir la Power va arranger tout ça. Vous m'envoyez votre petit message au 3044, je tire quelqu'un au sort juste après le son d'Alex Germis maintenant sur Fun. Pour la rentrée, gardez le smile avec le son Dance Floor de Fun Radio. Toute la journée, tous vos sons en premier pour continuer à faire la teuf toute l'année. Together, c'est la fête. Salut, c'est David Guetta. Salut, c'est Maître Gims. Hi, I'm Calvin Harris. Salut, c'est Soprano. Hi, this is Rihanna. Salut, c'est Martin Solveig. Toutes vos stars préférées sont sur Fun Radio toute la journée. Et dès 22h, pour faire la teuf en soirée, c'est Before Party Fun sur Fun Radio. Here we go! La teuf toute l'année, c'est sur une seule radio. Fun Radio, le son dance floor. La saison des festivals touche à sa fin. C'est pourquoi Jupiler présente le Festival National. Le festival clôture vraiment l'été, c'est 16 et 17 septembre, avec de la musique live dans 600 cafés Jupiler. Découvrez les cafés participants sur jupiler.be. Une bière se déguste avec sagesse. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert.

Je suis chez moi sur Fun Radio. Eh ben ouais, vous aussi vous êtes chez vous sur Fun. C'est drôle ça. Moi aussi, mais je n'ai pas relevé. Je te laisse dans ton rigolage. On aurait dit une vieille animatrice des années 60. Mais oui, vous aussi vous êtes chez vous chez Fun Bienvenue Radio. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans la grande famille de Fun Radio, le son dance floor d'une fois. Bon, les copains, ce soir on a décidé de vous chouchouter dans l'émission. On vous envoie au restaurant direction la brasserie Alphonse à Grand Bigard. Ouais, c'est un restaurant fantastique. Ils ont un. Pourquoi tu parles comme un vieux aussi? Parce que j'essaye de donner du sérieux, moi, madame. Parce que moi, quand on parle de viande maturée, de. On ne plaisante pas avec la bonne bouffe. Feu de bois, de homarium avec des homards vivants que tu vas, que tu prends, que tu cuis ça là-dedans. C'est. Oh, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Ça donne envie. Et d'ailleurs, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, allez voir sur le site internet www.brasseriealphonse.be. Il y a les photos des plats et tout. Vous allez baver sur votre écran de téléphone. Ça, c'est une promesse. Alors, tout à l'heure, on avait Audrey qui était présélectionnée. Audrey, elle est restée pas mal de temps dans les embouteillages aujourd'hui. 4h30 ouais, carrément mal, hein. Dans les embouteillages. Et puis on a aussi David qui nous envoyait un petit message. Bonjour David. Oui, bonjour Audrey. Oh, quelle jolie voix, dit. Ça va? Ah, oui, ça, bah oui, finalement, oui, je suis arrivé, donc ça va. Oh là là, t'as galéré aussi, mon pauvre David. Aujourd'hui, t'es resté combien de temps dans les emboutes? 2 ans. Au total, 1h50. Et en arrivant directement les toilettes pour aller faire pipi. Et globalement, c'est le même problème. Hein. Quand on est les embouts, tu cherches juste des chiottes. Ouais. Quoi, c'est ça le truc. Hein. Bon, alors, on va reprendre Audrey. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'entend? Coucou Audrey. Oui, oui, oui. Voilà. Je suis là, je suis alors, là. Les copains, on va vous mettre un peu en compétition tous les deux. Audrey et David, on a préparé un petit questionnaire sur l'équipe de l'Happy Hour. Celui qui répondra à un maximum de questions, celui qui connaîtra le mieux l'équipe, ira au restaurant ce soir à la brasserie Alphonse. D'accord? D'accord. Oui. Allez, c'est parti. La première question, elle est pour Audrey. Alors, qui dans l'équipe oui. boit énormément de Red Bull? Oui. Bah oui, c'est moi. Allez, ça marche. Ça fait un point pour Audrey. À David maintenant. Qui dans l'équipe est fan de Kinvey? De Kinvey? Ouais, mais fan inconditionnel. Il peut pleurer en l'écoutant. C'est celle qui est la standardiste. C'est le kéké du standard. C'est Kevin du standard. C'était kéké. C'était presque ça, David. C'est pas grave, on lâche rien. Audrey, deuxième question. Dans l'équipe, il y en a un qui a un gros kiff avec les nains. C'est qui? C'est toi? Bah oui. Évidemment que c'est Fab. À David. Qui vient d'engager un coach de sport pour la 14e fois de l'année? Audrey. Ah ouais. Cette fois-ci, c'est la bonne, je suis sûre, je vais y arriver. Bon, allez, à Audrey, une question pour elle. Ça, c'est une question piège. Quel stagiaire a raté son année? Alors, le kéké. Ouais, kéké, ouais, ça marche. Le kéké du standard, il a raté son année. Allison aussi, mais deux stagiaires, de toute façon, ils ont c'est raté. Hein. Ah, la totale. Bon, David, tu es impérativement obligé de répondre correctement à cette question, sinon c'est Audrey qui va au restaurant ce soir. Attention, question. Dans l'équipe, qui a toujours des problèmes avec sa voiture? Oh, il y a Audrey et aussi Sandro. Bah ouais, ouais, ça marche, c'est bon, ça fait un point pour David. Attention Audrey, si tu arrives à marquer le point ici avec cette question, c'est toi qui pars au resto, direction la brasserie Alphonse. Attention, est-ce que tu te sens prête? Bon, on va essayer, hein. C'est parti. Qui dans l'équipe est célibataire? Il y a quelqu'un de célibataire? Ou alors là, Audrey? Enfin, c'est compliqué. Non, je rigole. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Moi, je suis en couple. C'était Alison. Non. Oui. Bon. Du coup, une petite question pour David, Fab. Vas-y. Alors, dans l'équipe, il y en a un qui doit terminer sa puberté. C'est qui? Il y a tellement de réponses parce que Sandro il grandit pas tellement donc. Alors David, tu dois donner un seul prénom. Ma Kéké. Kéké? Oh non, c'était Sandro, David. Non. Mais tu l'avais en plus. Mais ma première réponse c'était Sandro. Merde. Ah ouais, essaye pas de négocier, David. Bon, c'est pas grave, une prochaine fois mon David, je te file quand même du cadeau Fun Radio et on s'arrangera un truc avec l'équipe. On te fait des gros bisous mon David. Audrey, félicitations, tu vas au resto ce soir. Bravo. Tu vas pouvoir aller au restaurant avec ton amoureux. Comment il s'appelle ton amoureux, Audrey? Yacine. Eh ben, on vous fait des gros bisous à tous les deux. Profitez bien du restaurant ce soir à la brasserie Alphonse. On vous appelle lundi, tu nous diras comment c'était, d'accord? Ah ouais, j'ai déjà regardé la carte, ça a l'air. Tu vas te régaler. Tu m'étonnes. Tu sais pas quoi choisir sur la carte, tellement c'est bon quoi. Audrey, je te fais des gros bisous. Félicitations, ma chérie. Merci beaucoup, merci, bisous à tous. Bisous, bon week-end. Toi aussi Audrey. Et pour tous ceux qui voudraient aussi de temps en temps se faire un petit kiff avec un resto, eh ben, sachez que c'est tous les vendredis comme ça dans la Power. Donc si vous n'avez pas envie de cuisiner le vendredi, branchez-vous sur Fun. Voilà. C'est pas très compliqué hein. Dans quelques minutes il y aura le cocu ou pas cocu. On va tester la fidélité de quelqu'un grâce à Mister X hein. C'est notre détective privé alias Fab qui va faire croire qu'il a des infos. Et on verra s'il y a de l'infidélité dans l'air. Ça sera juste après Black M. Maintenant c'est Je suis chez moi sur Fun. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant, se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Juste l'invite. chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. La suite du son d'Explore, c'est avec Jonas Blue. Ça se passe sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Ce mois-ci, chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1000 euros dans votre magasin Château d'Axe. On va se faire le cocu ou pas cocu dans quelques petites minutes à l'antenne de Fun Radio. Et puis on aura du beau cadeau aussi hein, pour les gamers. Un pack Logitech G d'une valeur de plus de 400 euros qui va tomber à tout moment. Vous vous inscrivez, vous envoyez Happy par SMS au 6322. On se fait ça juste après les infos et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Hello André, salut à tous. Ça fait 10 ans maintenant que les étrangers peuvent voter aux élections communales. Et du coup, le Parti Socialiste se demande si on n'accorderait pas son droit de vote aux non-belges pour les régionales. Bretton Collins constate que 30% des Bruxellois, par exemple, ne peuvent pas voter et trouvent ça ridicule. Et bien visiblement, une majorité de la population belge n'est pas de son avis, hein, puisqu'un sondage RTBF La Libre révèle que 54% de nos compatriotes ne sont pas d'accord. Et sont plus nombreux encore, 56% à dire non à un vote des étrangers au fédéral. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les Wallons sont nettement plus nombreux à refuser cette éventualité que les Flamands, présentent souvent ces derniers comme intolérants, limite racistes, blanche belingue, NVA et tout le toutim. Et bien en fait, ils sont plus ouverts aux étrangers, ou en tout cas à l'idée d'un vote des étrangers, que les Bruxellois et surtout que les Wallons. C'est d'autant plus surprenant qu'il s'agit d'une proposition du PS et qu'en Wallonie, le PS, c'est pas rien. Par contre, là où la proportion est la même, qu'on soit en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, c'est en ce qui concerne le pourcentage de gens qui aimeraient supprimer l'obligation d'aller voter. Eh bien, ils sont 1 sur 2 pour 40% de citoyens favorables au statu quo et 10% qui n'ont pas d'avis sur la question. Alors, on le sait, le gros argument de ceux qui souhaitent le maintien du vote obligatoire consiste à dire que si seuls les gens motivés se rendaient aux urnes, ça renforcerait les partis extrémistes, genre le gros facho, lui, irait voter, alors que les citoyens modérés resteraient plus volontiers chez lui. Eh bien, en fait, pas du tout, selon le sondage. En tout cas, ça ne changerait en fait absolument rien. Si ce n'est que le gros facho en question préférerait peut-être rester chez lui et regarder Walker Texas Rangers à la télé plutôt que de remplir son devoir de citoyen. Accident de train ce matin dans le nord-ouest de l'Espagne. Un train reliant Vigo en Galice à Valencia da Minho au Portugal. Il a déraillé, un déraillement qui a causé la mort de 4 personnes. Il y a également une cinquantaine de blessés. Le train a heurté la base d'un pont dans un virage où la visibilité est mauvaise. Le premier wagon a ensuite commencé à dérailler avant de s'encastrer contre un pylône électrique. La saison estivale d'athlétisme s'achève ce soir. Une saison essentiellement marquée par les JO, comme tous les 4 ans, et qui se terminera comme tous les ans à Bruxelles avec le Mémorial Van Damme. Pas moins de 16 champions olympiques sont présents au stade Roi-Baudouin pour la 40e édition du Mémorial, et notamment notre 9e dans autres. Il participera au concours de la hauteur. Et bah, pas de déplacement possible, évidemment, dans un meeting qui ne dure qu'une soirée. À noter aussi 2 tentatives de record du monde en 3000 mètres steeple, messieurs, avec le Kenyan Kipruto qui sera aidé par un lièvre belge. Et sur le 5000 mètres féminin, l'Éthiopienne Ayana tentera de détrôner sa compatriote Dibaba. Fun Radio. Les doubles bons double points du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Ouais, c'est vrai. Et en plus, avec ma carte de fidélité, tous mes points, ils sont doublés. La suite du son Dance Floor, c'est avec Jonas Blue que ça se passe. Il y aura aussi du Matcon, Galantis. Ça, c'est pour le prochain quart d'heure sur Fun Radio. Ça arrivera juste après le programme de la météo, Carlo. Un week-end pas désagréable, hein, même si il sera un tout petit peu moins bon que la semaine que nous venons de connaître et que la semaine prochaine, puisqu'on annonce le retour de température jusqu'à 30 degrés à partir de lundi. Demain, 21-24 degrés, pas mal de soleil. Dimanche, plus de nuages, mais un temps qui devrait rester sec. Si une petite ondée est possible, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, prochain rendez-vous info en ce qui me concerne, c'est lundi à midi. À tous un excellent week-end. Je vous laisse en compagnie de Drey et du son de Jeunesse Blue. Salut. En septembre chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Direct avec vous sur Fun Radio jusqu'à 20h. Il y a toute l'équipe de l'Happy Hour qui est là. Il y a Fab, il y a Keke, oui. Alison, il y a Sandro, oui, aussi qui est là. Et puis il y aura dans un instant le son de Madcon et Galantis pour la suite. Ça sera juste après le cocu ou pas cocu. Les cornes, c'est joli sur un cerf. Sur toi, ça va moyen quand même. C'est le cocu ou pas cocu dans l'Happy Hour. Bon alors, le cocu ou pas cocu, c'est nouveau dans l'émission. En gros, le principe, il est simple. C'est qu'on va tester votre copain, votre copine, même votre grand-mère, si vous voulez, pour voir eh ben, si toutes ces personnes sont fidèles. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a un petit doute. C'est Marie qui vient de Namur. Bonjour Marie. Bonjour. Oh bah dis donc, hey, t'as la patate toi. Mais qu'est-ce qui se passe, Marie? Bah alors, c'est quoi ces petites voix? Un peu triste, quoi. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon, hey, tu m'as envoyé un message sur ma page Audrey sur Facebook parce que tu veux tester quelqu'un, tu veux tester qui? Explique aux auditeurs qui écoutent l'émission. Ma sœur, c'est ma sœur. Wow, ça c'est cool quand c'est en famille. Comment ça? Attends, non mais tu sais que ça arrive, hein, mais sœur, enfin sœur avec sœur, c'est louche quand même. Souvent c'est plutôt le frère qui se tape la sœur. Tu sors avec le ta sœur. Le frère qui se tape la sœur chez les ch'tis, ça. Non mais non, des fois ça. Ici on est en Belgique. Mais attends, elle dit qu'elle veut tester sa sœur. Pourquoi tu veux tester ta sœur, Marie? Tu sors avec? J'ai des doutes sur elle en fait. Tu sors avec? Non, elle sort avec un petit copain. Mais ce petit copain, je crois qu'il s'est introduit deux fois dans la famille. Une fois dans elle et une fois dans sa sœur. Oh non, Fab, non, Marie, qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Eh bien, j'ai l'impression que dans mon dos, elle se tape mon mec. Oh, oh là là là là. Ah non, ouais. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est interdit. Ça. Déjà, se taper le mec d'une pote, non. Mais alors, de sa sœur, ça c'est. Mais ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Marie? C'est quoi les signes? Ben, j'ai plusieurs copines qui m'ont dit l'avoir vu au cinéma, au resto, etc. Donc avec ton mec? Avec ton mec. Pourquoi t'as pas posé la question directe? Ben, je voulais avoir confiance en mon copain et je voulais passer par vous pour... Je voulais avoir confiance, mais je veux quand même le tester sur Fun Radio. Voilà. Et il s'appelle comment ton amoureux mari? Tom. Tom. Bon, alors, tu veux qu'on appelle qui? Tu veux qu'on appelle Tom ou tu veux qu'on appelle ta sœur? Tu veux qu'on teste qui? Ta sœur? Eh ben, d'accord. Et comment elle s'appelle ta sœur, Marie? Manon. Manon. Eh ben, tu sais quoi? On va appeler Manon. Ça sera juste après le son de Matcon maintenant sur Fun Radio. Bougez pas. Girl, you know I've been. Keep my cool. Fort et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Et quand je te vois, je suis censé rester cool. T'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my. Radio. The Sun Dance Floor. I'm breaching off for pride. I see a billion. Maître Gims, que ça se passe sur Fun Radio, ma beauté. Il y aura aussi le nouveau Lion, hein. Vous l'avez découvert ici en premier sur Fun Radio. Mais d'abord, eh ben, on a du cadeau pour vous. Et ouais, pour tous les fans de jeux, pour tous ceux qui restent assis dans leur canapé. Et nos lives. Ouais, qui n'ont pas de vie, voilà, qui n'ont peut-être même plus de meuf. Eh ben, on vous file un pack Logitech G d'une valeur de plus de 400 euros. Ouais, et donc dans le pack Logitech G, il y a un clavier Orion Spectrum, donc vraiment un clavier professionnel. J'ai l'impression que c'est un truc qui vient de la galaxie, tu vois. Ah, mais c'est pire qu'une bagnole, hein. C'est la Ferrari des claviers, ça. 189 euros pour un clavier, quoi, c'est cher. Mais ouais, il est professionnel, donc c'est pour ça qu'il est cher. Oui, il joue tout seul, il joue à ta place. Mais ouais. Ok, il y a quoi d'autre dedans? Alors à côté de ça, il y a une souris gaming professionnelle sans fil d'une valeur de 179 euros. Donc c'est une souris pro aussi où tu peux changer la sensibilité à n'importe quel jeu que tu joues. Ouais. Et à côté de ça, le tapis de souris, bon, pour protéger la souris. Non, tu m'étonnes. Avec sa petite cage, avec sa petite roulette. À 189 boules, tu peux bien la protéger. C'est un autre t'inquiète. Ouais, tu lui mets à ce prix-là. Et il y a aussi le tapis et le sac à dos qui va avec. Voilà, le sac à dos pour tout ranger dedans. Eh ben parfait, si vous voulez repartir avec ce chouette cadeau là, vous inscrivez maintenant, vous envoyez Happy par SMS au 6322 et avant 20h, vous venez jouer avec nous à l'Happy Game. Dans quelques petites minutes, on va appeler Manon, la sœur de Marie. Apparemment, Manon, elle verrait le mec de Marie en chouette. Ouais, tu vois. C'est pas bien. On va vérifier tout ça, hein. Ce sera juste après le son de Maître Gims. C'est ma beauté sur Fun Radio. Depuis le 29 août à 20h, c'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule. Vous venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02-851-4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Vous avez entendu ça? Ce sont les journées colossales chez Colishop, avec des réductions énormes jusqu'à moins 50% sur les ustensiles de cuisine, les casseroles et une foule d'autres articles. Jusqu'au 11 septembre sur colishop.be. Jupiler clôture le Festival National avec une ultime after party. Le Festival Grand Final. Le 24 septembre à l'ancienne Belgique avec un show live des Van Jets. Tentez de remporter un duo ticket à l'achat de Jupiler. Infos et conditions sur jupiler.be. Une bière se déguste avec sagesse.

Dans quelques petites minutes, on aura un pack Logitech G à vous filer d'une valeur de plus de 400 euros. Hein. Si vous voulez venir le choper, allez-y, vous vous inscrivez, vous envoyez maintenant Happy par SMS au 6322. Il y aura le son de Zao avec MHD, mais d'abord, place au cocu ou pas cocu. On va te dire si tu veux l'épouser ou si tu dois t'en débarrasser. C'est le cocu pas cocu sur Fan Radio. Allez, le cocu ou pas cocu, ça se passe avec Fab. Alors Fab, c'est notre Mister X, c'est notre nouveau détective privé de l'Happy Hour. En gros, t'es quand même une enflure. Je suis comme Rick Hunter. Moi, je m'infiltre, je vois une brèche comme dans un coup. Rick Hunter, le détective privé. C'est qui Rick Hunter? Ah oui, mais j'oublie qu'on a 10 ans d'écart. Moi, ah bah, excuse-moi, mais c'est Rick Hunter, c'est Rick Hunter. Et c'est toi, qui est du standard, tu connais ça? Bah là, sur le coup, non plus. Ah bah merci, Alison, pareil, tu connais ou pas? Non, du tout. Bah voilà, personne te suit là sur ce coup-là. Je viens de prendre un coup de vue. Attendez, donnez-moi une chaise, là, il faut que je m'asseye. Une chaise roulante. Bon, bon. Bref, c'est un détective privé, je voulais faire comme lui. Moi, je vais appeler des couples et je vais tester en gros leur fidélité. Ouais. Mais. Et là, aujourd'hui, en plus, c'est Marie. Marie qui est venue nous parler parce qu'elle a des doutes sur sa grande sœur. Apparemment, la grande sœur, elle verrait son mec en cachette. Ça, c'est pas bien, ça. Voilà. C'est une histoire de famille, ça va faire des petits consanguins. Oh non. Et, du coup, bah, Marie, elle t'a filé plein d'infos, d'accord, ouais. Donc, on va appeler maintenant Manon et tu lui fais genre, t'es au courant de tout, quoi. Ça d'accord, marche. C'est parfait. Bah, allez, c'est parti, on fait sonner. Allô? Oui, bonjour, est-ce que je parle bien avec Manon? Oui. Oui, bonjour Manon. Voilà, je t'appelle parce que je voudrais m'entretenir avec toi d'une histoire un petit peu particulière. Attends, mais t'es qui? Eh ben, c'est ce que je vais t'expliquer. Alors, je suis détective privé et je t'appelle de la part de Marie. Ça te dit quelque chose, Marie, Tom? Enfin, tu verrais peut-être, tu vois peut-être mieux si je te dis Tom. Tom, ça, tu sais qui c'est? C'est le mec de Marie. Et c'est le gars que tu vois dans son dos tous les soirs, avec qui tu vas au resto, au cinéma, sans que ta sœur soit au courant. En même temps, s'il a quitté ma sœur, ça va, c'est pas encore trop grave. Ah, mais alors, s'il a quitté ta sœur, il aurait peut-être fallu prévenir ta sœur. Parce il que m'a ta dit sœur, qu'il l'avait quitté. Attends, quoi? Il l'a pas quitté ta sœur, sinon ta sœur m'aurait jamais engagé. Et moi, j'ai non, tout mais, un non, dossier. Mais c'est une blague. Tom est en train de me faire une blague. Non, non, du tout. Alors, je t'explique. Moi, j'ai tout un dossier sur toi et sur Tom, hein, que ta sœur m'a commandé, où on vous voit clairement marcher main dans la main, les petits bisous, les restos, les ciné. Et donc voilà, c'est soit je transmets tout ça à ta sœur, et puis tu t'arranges avec elle, soit on s'arrange tous les deux, puis je peux mettre le dossier dans la corbeille. Ça, c'est toi qui vois. Non, mais attends, non, non, non, mais c'est du foutage de gueule, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est Tom est en train de me faire une blague. Oui, j'ai la tête non, d'une blague. Pas, non, mais j'y crois pas une seule seconde. Bah écoute, ça c'est pas important que toi tu n'y crois pas, mais ta sœur va y croire quand elle va voir les photos. Mais elle va rien voir du tout, arrête tes couilles, c'est tout. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Ah, si tu veux que je lui donne pas le dossier, alors on peut s'arranger, toi et moi. Pour 500 euros, je déchire le truc. Espèce de corrompu. Pardon, désolé. Non, on va pas lui donner le dossier, ça c'est déjà mort. D'accord. Mais non, on est bien d'accord. Enfin, je crois que je devrais demander plus parce que tu tapes quand même le mec de ta sœur là. Je pensais que c'était fini. Bon, 500 euros, je déchire le dossier, je le donne pas à ta sœur. Ça marche? Non, mais tu vas rien faire du tout. Moi, ma sœur, je vais aller la trouver et on va discuter parce qu'on a toujours été franches l'une envers l'autre. C'est pas maintenant que ça va finir. Okay. Oh là! Bon. J'applaudis. Bonjour Manon, je me présente Audrey de Fun Radio, t'es en direct à l'antenne dans la P-Hour. Non mais c'est une blague. Non Coucou. Ça par contre c'est pas une blague, ça je te promets. Bon Manon, je t'explique, en fait Marie, elle avait des doutes sur toi parce que bah voilà, apparemment elle a eu des échos de ses copines comme quoi tu t'es fait quelques sorties avec son mec et au final elle a bien fait de douter. C'était vrai. Alors est-ce que Marie, elle est là? Marie? Ouais. Je suis là, ouais. Bah écoute, je te laisse parler avec ta sœur à l'antenne, hein, vas-y. Hein. Eh mais Manon, mais t'es une grosse pute. Non mais attends. Pardon. Oh non, Marie, attends, mais non, t'as pas mais entendu, attends, Marie. À partir du moment où ton mec me dit que c'est fini, moi j'ai aucun scrupule, en effet. Pardon, mais t'es une salope, tu rentres plus à la maison, d'accord? T'es une honte de la famille. T'es une grosse putain. Une honte de la famille, que quand tu savais. Bah, t'es la honte de la famille, t'es ma sœur. T'es ma sœur. Comment tu peux me faire ça? T'es ma sœur. Mais t'as déconné ou quoi? Mais non, j'ai pas déconné. Mais t'es sérieux? Je suis célibataire, moi je m'en fous. Mais t'es conne ou quoi? Déjà, tu prends pas le mec de ta sœur. Même l'ex de ta sœur, tu le prends pas. Non mais attends, alors Marie, attends, calme-toi déjà, je m'attendais pas à ce qu'elle s'énerve comme ça. Je veux jamais me disputer avec non, toi Marie. Non, Marie, si t'as bien entendu, le gars il a dit qu'il était plus avec toi. Tom, il lui a dit que c'était fini. Mais c'est pas vrai. Oui, mais ça elle le savait pas. Mais maman, elle a pas à me faire ça. Attends, ça. Moi je suis d'accord avec Marie. Toi tu pourrais te taper le mec de ta soeur même si c'est fini. Non, moi je pourrais pas, non, c'est vrai. Ça non. Se fait pas, il y a des règles quand même. Je vais la tuer. Oui. Je vais la tuer. je vais l'étrangler, je vais lui bouffer ses yeux, je vais lui arracher ses cheveux. Marie, mais calme-toi, au bout d'un moment... Mais pas... me calmer, t'es sérieuse? Je sais pas, mais... Toi, tu vas te calmer, déjà. toi tu vas te calmer et non mais je rêve, c'est pas vrai, mais je rêve. Les filles, le mieux c'est d'en discuter toutes les deux, de vous voir, de boire un verre et d'essayer. Discuter ? Discuter, déjà le verre, je vais lui faire bouffer. D'accord. Je vais la bouffer aussi, elle. Je vais la manger. Marie, il faut discuter. Non, mais c'est une blague. Non, mais écoutez, les filles, sincèrement, regarde, tu voulais qu'on teste ta sœur, t'as les réponses à tes questions. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment que vous vous parliez toutes les deux. Merci, hein, franchement, merci à tous de m'avoir ouvert les yeux sur cette connasse. Non, on ne dit pas ça de sa sœur, sur par contre, si vous voyez pour discuter, faites ça devant un ou deux policiers parce que j'ai peur que ça dégénère. Non mais les blagues à part, sérieux Marie, tu nous tiens au courant, mais s'il te plaît, écoute au moins ce que Manon elle a à te dire, d'accord, essaye d'aller la voir et puis si tu veux plus lui parler après tu lui parles plus, mais il faut au moins que tu écoutes ce qu'elle a à dire, d'accord? Ouais. Oh, j'aime pas quand ça se termine mal comme ça, c'est chiant. C'est dangereux. Mais je vous fais des bisous les filles, et puis Marie, tu nous tiens au jus, tu viens dans l'émission, tu viens à la radio, on va s'occuper de toi. Bon, hey, je vous fais des gros bisous à toutes les deux les filles, pour ceux qui voudraient aussi je sais pas moi, tester le copain, le couple. Non, bah moi je préfère quand ça se termine bien, mais bon, si vous avez un doute, on est là pour vous aider. Vous venez sur ma page Audrey sur Facebook, vous envoyez un petit message et puis bah nous on se fait le cocu ou pas cocu avec Mister X. Voilà, bon, la suite maintenant c'est avec Zao et MHD que ça se passe. Il y aura aussi Martin Garrix, et puis pour ceux qui veulent repartir avec leur pack Logitech G d'une valeur de plus de 400 €, et ben on se fait ça juste après. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi faire? L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura zappé, laissez-les Kouma, laissez-les Kouma, laissez-les Kouma, laissez-les Kouma, laissez-les Kouma, laissez-les Kouma, laissez-les Kouma, laissez-les Kouma. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada? T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. De 20h sur Fun Radio, c'est Party Fun qui débarque avec Oli aux commandes de l'émission et tous les plus grands DJ qui seront de la partie. Et bah, déjà pour se mettre dans l'ambiance, je vous ai calé le son de Martin Garrix maintenant. Avant ça, il y a du cadeau sur Fun Radio, c'est l'Happy Game. L'Happy Game, c'est un jeu où tu peux gagner ou perdre, comme dans la vie. L'Happy Game, c'est la vie. Et on a du beau cadeau hein, pour la Pigame aujourd'hui. En plus, c'est le dernier de la semaine. Après, c'est fini. Oh, un pack Logitech G de plus de 400 euros. Il y a quoi dans le pack, Kéké? Alors, un clavier Orion Spectrum d'une valeur de 189 euros. Donc, bim, c'est un clavier professionnel. Wow, ça fait quoi? Alors, la souris qui va avec sans fil, donc pour jouer dans ton lit. C'est ouais. vraiment pratique. Elle est aussi pro. Donc, ça doit être le pied. Ça. Ah ouais. Tu bouges pas ton gros cul. Oh, ça c'est fait pour moi ça. Oh, voilà. Et il y a quoi d'autre dedans? Ben, le tapis de souris pour poser la souris dessus pour pas trop la griffer non plus. Et alors le sac à dos pour mettre tout dedans. Parfait. Tout manger. Bon, et ben on a Kevin qui vient d'Andrimont qui a essayé de tenter sa chance, qui a envoyé Happy par SMS au 6322. Bonjour Kéké, je vais t'appeler Kéké aussi. Tiens. Ça va Kevin? Bonjour, oui. Ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau? Pour l'instant, je profite du soleil un peu. Ah bah tu m'étonnes, profites-en bien. Hein. Oh là là, il va faire beau, mais toute la semaine, quoi. On va se faire un de ces kiffs. Oh, c'est juste le pied. Bon, mon Kevin, la première bonne nouvelle déjà, c'est que tu repars avec ton tapis de souris. Bravo! Ah, merci. Ouais! Bon, maintenant, t'as la possibilité d'essayer de repartir carrément avec le pack Logitech G de plus de 400 euros, complété avec la souris, le clavier et le sac à dos. Est-ce que tu veux tenter ta chance? Oui. Yes, bah allez, c'est parti, c'est la Pi Game. La Pi Game sur Fun Radio. Sur Fun Radio, c'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Bon, mon Kevin, tu peux choisir quelqu'un de l'équipe. Alors tu peux m'affronter, moi. Tu peux affronter Fab, Kéké du standard ou alors Allison, tu choisis qui? Ah bah Kéké. Ah bah Kéké. Oula, battle de Kéké là ouais. aujourd'hui dans l'émission, ça rigole pas. Attends, je vais tester un truc. Kevin? Ouais. Ah, je crois qu'ils allaient dire oui. Non, ils sont pas si cons. Bon, alors, vous allez vous affronter au jeu des couleurs. Je donne une couleur, à vous de me dire un objet chacun à votre tour qui est de cette couleur-là, d'accord? D'accord, ouais. Attention, Kevin, c'est toi qui commence. Alors, toi, ça sera Kevin et le kéké du standard, d'accord? Okay, sinon, ça va. On va s'embrouiller, ça va être un petit bordel. Bon, alors, Kevin, la couleur, c'est le rouge. À toi. Le sang. Le sang, ouais. Kéké. Le drapeau de la corrida avec les taureaux. Ouais, ça marche. Kevin. La troisième couleur du drapeau de France. La troisième couleur, ouais. Ça c'est de la précision, le kéké. Une voiture. Une voiture, ouais, Kevin. Une pomme. Une pomme. Oui, ouais, il y en a des rouges, ouais. Désolé, je mange pas de fruits. Oui, je mange pas des trucs équilibrés, moi, le kéké. Une canette de Coca-Cola. Yes, Kevin. Tomate. Yes, kéké. Alex. Il pourrait avoir rouge. Think van. T'es déjà bloqué là. Attends, le rouge, c'est la plus facile, quoi. Un tampon? Non, Fab. Non, c'est dégueu, ça. Il y a une plume. Il y a une plume. Ouais, ouais, bah fous-la ouais. dans le cul. Ouais. Kevin, c'est gagné. Logitech G d'une valeur de plus de 400 euros. Tu repars avec la souris, avec le clavier, avec le tapis, avec le sac à dos, bref, avec la totale, Kevin. Félicitations! C'est gentil, merci. Ah bah c'est écoute, fois que j'ai quelque chose, donc... Ah bah écoute, voilà, fais gaffe. Elle fait quoi ta copine ce soir? Bah elle est en studio avec nous. Elle en est plein, malheureusement. Donc. Ah bah c'est pour ça, au moins tu risques pas d'être cocu, c'est la bonne nouvelle. Kevin, je te fais des gros bisous. Tu raccroches pas, comme ça on va prendre tes coordonnées hors antenne, ça marche? D'accord, merci, oui. Bisous, Kevin. Ah j'aime bien quand on termine la semaine, comme ça c'est parfait. Dans quelques petites minutes, eh ben c'est Party Fun qui débarque. Si vous êtes de sortie ce soir, eh ben restez bien là, vous allez voir, ça va être un truc de fou. On va se faire aussi l'horoscope hein, qui arrive juste après le son de Martin. Garrix maintenant sur Fun. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. Radio, si vous venez de vous brancher, c'est le son d'Imani qui arrive. Don't be so shy, il y aura aussi le nouveau Pitbull et puis Alan Walker. Tout ça, ça arrive juste après l'horoscope maintenant dans la Power. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et aujourd'hui dans l'horoscope, on va vous dire quel tatouage vous devriez faire, les béliers. Vous pourriez vous faire tatouer 2,95€ du kilo, hein, c'est le prix de la viande de porc, ça vous rappellera de faire régime. Oh, mais non, les taureaux. Ce qui vous irait bien, c'est une petite maison sur les côtes, comme ça quand vous irez draguer les filles, vous pourrez dire, dis, tu sais quoi, moi j'ai une villa sur la côte. Les gémeaux. Ça fait tellement longtemps que vous êtes célibataire, faites-vous tatouer une glace, comme ça peut-être que quelqu'un aura envie de vous lécher. Oh non. Oh. Cancer. Votre femme voudrait que vous fassiez tatouer votre adresse, comme ça vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas rentrer. Les vierges. Vous pourriez tatouer sur votre sexe Renault Clio, comme ça vous pourrez dire, elle a tout d'une grande. Oh non. Lion. Faites-vous tatouer un foie, celui-là on pourra pas vous le retirer. Balance. Tous les week-ends vous sortez en boîte et vous ramenez tout un tas de mecs, faites-vous tatouer entrée libre au-dessus des fesses. Les scorpions. Faites-vous tatouer un truc que vous n'avez pas, quelque chose que vous n'aurez jamais, genre un cœur. Mais enfin, c'est cruel, les sagittaires. Le tatouage qui vous irait le mieux, la photo de votre grand-mère, comme ça vous n'oublierez plus d'où vous vient votre maison. Les capricornes. Faites-vous un tatouage en harmonie avec votre caractère, vous qui râlez tout le temps, genre grincheux, ça serait top. Les Verseaux. Vous devriez vous faire ce que vous aimez le plus, quoique le visage d'un enfant qu'on connaît pas, ça c'est bizarre. Oh non, oh, Fab, on termine avec les poissons. Essaye d'être gentil, les d'accord, poissons. Le tatouage qui vous irait le mieux, aucun, votre corps est trop déformé pour écrire dessus. Ok, donc là c'était sympa, oui, c'est ça. Bon, bah, c'est sur cette belle note bien sympa qu'on va vous quitter, les copains. On vous donne rencard lundi hein, à partir de 17h ouais, et on vous laisse avec le son d'Imani maintenant sur Fun. Ciao, à ciao! Demain, bisous! Fun Radio présente la Lotto City Para 2016. Le plus grand événement 100% gratuit du Benelux. Samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel à partir de 14h. Opening Festival, Parade, Closing Festival, deux podiums, 20 chars et plus de 100 DJs. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Hesel avec Plug RTL. Info cityparade.be. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa ? Oui ? Tu me passes ta carte ? Demande à maman ! Vous avez entre 18 et 28 ans ? Découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Fun Radio. Fun Radio. Comment tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena.